le maître du monde. Ce soir, nous soupons au cochon Poitou. 1000 de la Gauchetière, 51e étage, plus haute tour de Montréal. La table sélecte du 5 étoiles est disposée contre une baie vitrée, offrant une vue imprenable. Les notes sensuelles d'un pianiste jazz subliment le spectacle électrique de la nuit de velours. Toute la métropole ronronne, ses boulevards orangés, ses tours miroitant de 1000 feux. L'arcologie trônant au centre, dans une cascade de lumière incandescente. Tout est parfait. Je me sens bien, léger, impeccable. Souriant, inspirant la plénitude, je transperce d'une fourchette argentée mon morceau de steak wagyu, nappé d'un confit de truffes d'Alba. Ça fond dans la bouche. C'est exquis. De l'autre côté de la table, l'Anchea déguste une salade de laitue fleurette et caviar allemand, arrosée d'une vinaigrette balsamique vieillie 30 ans. Choix impeccable. Une robe cocktail caresse sa peau délicatement d'un rouge cramoisi, rouge comme le sang. Je peux sentir son parfum métallique jusqu'ici. Devinez la douceur divine de son ventre, de sa nuque. Si fragile et pourtant si puissante, si inhumainement belle. Elle resplendit, ses lèvres noires embrassant une coupe de champagne, se pressant contre le cristal d'une manière suggestive, en ma direction. Mes veines s'enflamment. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, célébrons. J'accompagne mon oiseau rare, prends une gorgée limpide, sucrée. Je savoure. Impossible de réaliser le bonheur d'avoir réussi, d'avoir triomphé. Chaque action parfaitement coordonnée, la symphonie harmonieuse à la note près. J'ai tout le pouvoir maintenant. La compétition mord la poussière. Mon empire est finalement réel, couronné par ma reine de glace, ma fleur de neige. Nous amènerons la lumière dans les ténèbres. Il restera que notre splendeur, notre volonté immuable et métaphysique. Nos enfants fouleront la terre en théocrates. Divin et parfait, j'aurai payé les meilleurs généticiens pour les augmenter, les transformer en véritables kaisers biotechnologiques. Oui, je me sens comme le maître du monde. Et là, comme pour me narguer, le signal distinct dans mon oreille, une transmission classifiée, la voix familière dans mon crâne. Bill? Tante Katia. Oh, la pute! Elle ose me déranger. Quelle conne! Il est vraiment temps que je la jette aux poubelles. Discrètement, j'envoie un sourire à l'Anchea, lui fait signe de patienter. Tu me déranges? Je murmure à Katia. Je m'excuse, Bill. Une inquiétude évidente à travers son timbre de voix, malgré son professionnalisme. Alors, je m'impatiente. Quoi? La première ministre encore? Non. Commence-t-elle. On a un vrai problème. Instinctivement, je jette un coup d'œil derrière mon épaule. Mes 8 gardes du corps sont là, comme des statues. Le transfert des pouvoirs? Je siffle à travers mes dents. Impossible. J'ai vérifié, on a la trésorerie, la cour supérieure, toute l'information. Tout est concentré, centralisé, scellé, bouclé. C'est fait. Alors quoi? Quoi? Message d'alerte. Précise Katia, nerveuse. À l'arcologie. Nous sommes sous attaque, Bill. Je jette un coup d'œil à la pyramide depuis mon promontoire. Je vois rien, mais c'est si haut. Peut-être de l'autre côté. Puis, je ricane. Une manif. Tant mieux. Activez les tourelles, feu à volonté, oubliez les lacrymos. Broyez-moi tous ces clowns. Transmettez ça grand écran. Qu'ils se chient dessus jusqu'aux îles de la Madeleine. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Bill, ponctue Katia. Ça vient de l'intérieur. Impossible. Mon sang se glace. Je prends une grande respiration. Lanchea me regarde, moitié lasse, moitié consternée. Le pianiste jazz tapisse l'atmosphère de gaieté. La réalité me rattrape brutalement. Vitesse lumière. Protocole. Backup. Je crache à Katia. Sauvegarde maintenant. Toutes les archives, les commandes, les données, tous nos putains de systèmes, tout, tu comprends? Pas de réponse. Katia! Je crie à tue-tête dans le cochon poitou. Le silence. Le silence atroce. Lanchea me regarde plus. Ses yeux sont rivés à l'extérieur, au loin. Je suis son regard de glace jusqu'à un de mes hélicoptères blindés, tournoyant autour de la cime de l'arcologie avec ses phares jaunes, tel un prédateur. La machine ouvre ses canons. Sur le sommet, vomit du plomb, éclate les vitres en milliards de fragments cristallins. C'est trop! Faites quelque chose, quelqu'un! Je me lève, renverse ma chaise, regarde mes gardes du corps hébétés, la centaine de convives stupidement hagards et Lanchea, une statue de glace, qui observe tout ça sans broncher. Mais l'hélicoptère est intervenu trop tard. Les premiers frémissements gutturaux me parviennent alors, à peine distinguables du trafic et des bourrasques de vent, à cette altitude. Un grondement cru. Horrible, inimaginable leur succède rapidement. Le mugissement vient des entrailles de la pyramide. Le cœur de la métropole éclate, des volutes de fumée rance s'élevant déjà des failles à travers le béton, les explosions en chaîne broyant les fondations, culminant depuis la seule source possible, le réacteur d'hélium 3. Non! Je murmure d'une voix à peine audible. Non! Et tandis que l'arcologie commence à s'effondrer, le monolithe croulant étage par étage en un hurlement de poutres tordues et de vitres éclatées, une vague de noirceur s'abat soudainement sur la métropole. Dans une rapidité quasi impossible à déceler à l'œil nu, la nuit étrangle la cité, éteint toutes les lumières, lampadaires, néons, moteurs, lasers. Tout s'éteint. La noirceur totale, entrecoupée pour un instant, des flammes de l'hélicoptère qui s'écrasent. Dans le vacarme, personne m'entend crier.